بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابة من تبع أثاره متفهم بعد فإن استقل الحديث كتاب الله وخير هادي هادي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأخذنا أمس شروط لا إله إلا الله la condition de لا إله إلا الله كم هي شروط لا إله إلا الله هي سبعة ما هي c'est quoi les شروط العلم اليقين الإخلاص الصدق المحبة الانقياد والقبول نعم هذه هي سبعة كما قال الشيخ الحافظ الحكمي وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لا ينتفع قائلها بنطق إلا حيث يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فذر ما أقول والصدق هو الإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه نعم فهذه هي الشروط السبعة وزاد بعدهم الكفر بالطاغوت le fait de me croire au tarot. Certains ont ajouté à cela le athmaniya, à kufra bi tarot. Lakin hada, inshallah, wa tabaraka wa ta'ala, fi al-haqiqa kama kunna, il rentre dans la première condition. Parce que le fait de connaître la ilaha illallah, al-ilmu, bima'na la ilaha illallah, nafyan wa ithbatan, ce qu'apporte la ilaha illallah comme négation, c'est, ça implique à l'écart de me croire. C'est-à-dire que lorsqu'on dit la négation, c'est d'avoir la conviction que tout autre qui est adoré en dehors d'Allah Azzawajal ne mérite pas cela. Et ça implique qu'on doit avoir un kufr bihawla. On doit mécroire à tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que certains ils ont dit qu'il n'y en a pas 8, lakin il y en a 7. Al-Muhim. Al-Ilm, qu'est-ce que le ilm ? De connaître une chose à une telle qu'elle est, et surtout avec certitude. Il y en a pour exclure toutes les choses qui sont avec présomption ou bien. Dans lequel il y a un doute. Il faut qu'il y ait une certitude. Donc ça rentre un peu aussi avec al-yaqin. Naam. Fa al-ilm al-shar'i, c'est quoi la définition ? Nafs al-shay, idraku al-shay ala ma huwa alayhi, idrakan jazima bi al-adilla min al-kitab wa sunnah wa al-ijma'. Et c'est quoi l'opposé de al-ilm ? Al-jahl. Wa al-jahl qulna yanqasim ila qismayn, il se divise en deux. Al-jahl al-basit. الجهل المركب تمام كلاهما منافيا للعلم تمام اليقين ما هو اليقين لبوزيشن دو دوت نعم اي لا سيرتيتود كما نبي voir c'est une زياده على العلم فالانسان يعلم شيئا فاذا عمل به là on peut dire qu'il a la certitude il a une certitude dans cette connaissance là dans cette science là tamam une personne qui a une certitude ne peut être appelée comme cela dans l'islam excepté si jamais à l'œuvre de sa science كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فالمقين قال المقين فهو الذي عنده استقرار العلم في قلبه ويعمل به c'est celui dans la science et dans son cœur et كذلك il met en application ça c'est la personne qui a la اليقين وضده الشك والريب نعم الإخلاص ما هو نعم لغة تدرس la pureté وشرعا la sincérité dans نعم dans la ibadah, c'est-à-dire de vouer une adoration à Allah et Azza wa Jal. Et ça, c'est l'opposé de Ashirk. Ashirk, Ashirk. Hatta Ashirk, An-Najmi, Rahimahullah, il a un charh de l'wajibat. Et dans son charh, il a dit Al-Ikhlas al-Munafi di Shirk. Hatta Ashirk, An-Najmi, il a rectifié, tu vois. Il a dit Al-Ikhlas al-Munafi di Shirk. C'est pas al-Munafi di Kadib. Même si c'est clair, An-Najmi, que c'est Munafi di Kadib, lakin. Son véritable opposé, c'est Ash-Shirk. Ash-Shirk, c'est le monafi de quoi ? De l'hypocrisie, t'as même les deux en même temps. La Bouddha an yakuna natiqan biha sadiqan. Sadiqan biha. La cinquième condition, al-muhabba. Al-sadis, l'avant-dernier, al-unqiyad. La soumission. Fahadi al-kalima, man qala la ilaha illallah. Il est obligé de se soumettre aux droits du tawhid qui sont. Quels sont les droits du tawhid ? Ah bah voilà. Hukuk al-tawhid, c'est l'ibada. C'est le fait de lui obéir et c'est le fait de l'adorer avec toutes les œuvres qui sont obligatoires. Et wa ala ra'si dhalika, et en tête de cela, as-salat wa az-zakat. C'est pour ça qu'Allah Azza wa Jal wa rasuluhu sallallahu alayhi wa sallam, il évoque souvent avec kalimat al-tawhid. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala fa in tabu wa aqamu salat wa atawu zaka fa ikhwanukum fi din, la pas évoqué wa in tabu wa aqamu salat wa atawu zaka wa hajju wa samu, la pas évoqué toutes les œuvres, lakin la évoqué ra'sul a'mal qui est as-salat wa zaka. Naam. Le dernier al-qabul. Naam. La position du rejet, c'est-à-dire que l'insan, il est obligé de prononcer cette parole-là. Et à partir du moment qu'il n'est pas muet, il doit prononcer cette parole-là. La Bouddha annahu yantaqibaha. Enfin, Abu Talib, il savait que la religion du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était la meilleure des religions. Il y a un poème qui est évoqué à ce sujet-là, malgré qu'il n'y a pas de sonnette, il n'y a pas de chaîne de transmission qui montre la véracité. Est-ce que cette parole-là est vraiment la parole d'Abu Talib, lakin c'est une parole qui lui est attribuée. Tami qui est connu auprès de l'ulama, dans laquelle il avait dit que il avait reconnu que la religion du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, c'était la meilleure des religions. Mais le fait qu'il avait peur que les gens le dénigrent, que sa communauté le dénigre, sa tribu le dénigre, il n'a pas prononcé. Je suis sur la religion de mon grand-père, ou plutôt de mon père. Abd al-Muttalib, n'am. Fa man taqabaha, il n'a pas prononcé, il n'a pas accepté. Fa al-qabul hadha c'est l'inqiyad bil lisan. C'est la soumission lakin bil lisan. La langue aussi elle doit se soumettre et prononcer cette kalimat là. Le corps catholique, il doit se soumettre. Hadha c'était en conclusion ce qu'on a pu voir, n'am. Fa qala rahimahullah, al-an il va évoquer l'adilla. Qala rahimahullah, qala adillatu hadhi ash-shuruti min kitab Allah ta'ala ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالآن il va évoquer ces preuves, yani qui nous prouvent que la ilaha illallah c'est pas une parole qui est dépourvue de sens et qui est dépourvue de conditions. C'est une parole qui doit être dite avec ces conditions là qu'il a évoqué. وما هو الدليل على ذلك, afin qu'on sache yani que ça vient d'Allah عز وجل et que c'est Allah عز وجل qui nous a ordonné de prononcer la ilaha illallah avec ces shurut là. Là الآن il va nous évoquer d'où il a puisé ces shurut-là, et min kitab wa sunna, comme on a pu voir, et tout ce qui vient de kitab wa sunna doit être accepté. Faqala rahimahullah ta'ala qala dalil al-ilm, et la preuve qui montre que al-ilm, la connaissance, c'est une condition parmi les conditions de kalimat al-tawhid la ilaha illallah. Faqala qawluhu ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, qala wa qawluhu ta'ala illa man shahida bil haqqi wa hum ya'lamun, qala ay bila ilaha illallah al-haq, yani kalimat al-haq, c'est un muradif de kalimat al-tawhid. Illa man shahida bil haqq qala bila ilaha illallah, wa hadha huwa tafsir at-tabari rahimahullah wa ghayruhu min al-ulama, qala wa hum ya'lamuna ay bi qulubihim ma nataqu bihi al-sinatihim, yani ils connaissent par leur cœur ce que leur langue ont prononcé. Fa hadha huwa dalil yani min kitab Allah azza wa jalla, al-ilm shurut la ilaha illallah. Fa qala subhanahu wa ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah, et sache que Allah subhanahu wa ta'ala mérite l'adoration toute exclusivité. Ça ne suffit pas de dire la ilaha illallah, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de connaître. Fa'lam et ta'allam. Fa'lam huna bima'na ta'allam. Ta'allam ma'ani la ilaha illallah nafyan wa ithbatan, kama qala al-ulama. Nafyan wa ithbatan. Fa'lam et ta'allam. Fa'bada subhanahu wa ta'ala bil-ilm qabla al-qawli wal-amal, kama qala al-imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Fa'qala bada subhanahu wa ta'ala bil-ilmi قبل القول والعمل. فلا إله إلا الله c'est un قول, c'est une parole. Et de cette قاعدة là qui a capugé l'imam al-Bukhari رحمه الله تعالى من هذا الحديث من هذه الآية, il nous montre bien que cette parole là doit être précédée de science. فعلم أنه لا إله إلا الله, il faut qu'il sache يعني qu'est-ce que comprend cette kalimat là, il faut qu'il comprenne vers quoi l'appelle cette kalimat là. فالعلم مشترط, ça nous montre que la science elle est conditionnée. وقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق, وهنا الدليل والشاهد الحق هو كلمة التوحيد. فكلمة التوحيد لا بكو دو لا إله إلا الله لا بكو دو مرادف دو سينونيم. تام كلمة الحق, القول الطيب, العروة الوثقى إلى آخره من الأسماء التي ذكر الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى في شرح كلمة التوحيد. إلى يبكي بجيخ دينو كي سو مرادف بكلمة التوحيد. ومن ذلك كلمة الحق إلا من شهد بالحق أي بلا إله إلا الله وهم يعلمون. فقال بعد ذلك وهم يعلمون, وهم يعلمون هذا في اللغة العربية يسمى حال. هذه الجملة جملة حالية تم أمونت يعني la situation, la manière dans laquelle il doit témoigner de kalimat al-tawhid. Wa hum ya'lamun hadha hal. Ay wa ya'ni fi hala kunihim shahidina biha ya'lamuna. Il faut qu'ils la connaissent. Ala yusamma jumlatun hariya tubayyin hay'ata ash-shahada. Elle nous montre yani l'aspect qu'elle doit avoir cette shahada, c'est-à-dire bil-ilm, comme a dit subhanahu wa ta'ala, wa hum ya'lamun. Donc ça nous prouve clairement que al-ilm, ça fait partie des conditions de kalimat al-tawhid. Fa al-insan in qala la ilaha illallah wa yajhal ma'naha. Comme on peut le voir chez beaucoup de musulmans, et comme on a pu le voir yani dans l'i'rab de la ilaha illallah. Certains ne comprennent pas qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah. Ou ils pensent savoir qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah lakin jahlun murakkab. يقول لا إله إلا الله لا خالق إلا الله كم لا حاكم إلا الله إلى آخره تسمعنا في وغ يا donc ces personnes ne connaissent pas كلمة التوحيد. Cette attestation là ne leur est pas profitable. Si jamais ils pensent que لا إله إلا الله c'est لا خالق إلا الله ou bien c'est لا حاكم إلا الله إلى آخره, elle sera pas profitable pour ces personnes là. نعم. قال ومن السنة الحديث ثابت في الصحيح يعني في صحيح مسلم فيما أذكر. قال ومن السنة الحديث الثابت في الصحيح أي مسلم عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وهذا كذلك بين هذا الحديث أن العلم من شروط الله إلى الله. قال سبحانه قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات سرك ما وهو يعلم إيسي كالله عز وجل يميرد d'être adoré, c'est-à-dire il sait qu'il ne doit pas vouer adoration à autre qu'Allah et il doit adorer Allah عز وجل en exclusivité. قال دخل الجنة من جزاؤه دخول الجنة. فهنا كذلك اشترط العلم من مات قال ما قال ومن مات ونطق بلا إله إلا الله قال من مات وهو يعلم. Objet qui est la connaissance, la science de cette kalimat là. قال دخل الجنة ودخول الجنة هنا على قسمين. إما أن يكون يدخل الجنة مع الأولين. يدخل الجنة كما قال العلماء بدون حساب ولا عذاب. أو يدخل بدون عذاب. بحساب لكن بدون عذاب. بدون حساب ولا عذاب. الذين لا يسألون كما نبيوخ. تبقى الأنبياء هؤلاء. يعني ماتوا وقالوا لا إله الله وعلموا ما معنى لا إله الله. وسيدخل الجنة دخولا بلا حساب ولا عذاب. Sans adjugé. Et sans châtiment. وكذلك الصديقون وكذلك الشهداء وكذلك المرابطون. C'est ce qu'on avait pu évoquer dans le dars السابق. هؤلاء شهدوا بكلمة التوحيد وسيدخل الجنة دخولا أوليا. Il rentre directement au paradis بدون حساب ولا عذاب. وهناك من يدخل يعني الجنة يعني مات على التوحيد وهو يعلم أنه لا إله إلا الله لكن بحساب بلا عذاب. Il sera jugé لكن بدون عذاب. وهذا يشمل قول سبحانه وتعالى فأما من أوتى كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فالحساب اليسير c'est celui qui va être jugé لكن qui ne sera pas châtié كما جاء في الحديث يعني مع عائشة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما هذا هو العرض. يعني الله عز وجل il va exposer les œuvres à ces personnes là, qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'à ce qu'ils vont croire qu'ils vont périr. Et ensuite Allah عز وجل il va dire قد سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم. Je t'ai dissimulé ces péchés-là. On ne les a pas évoqués au grand jour, au grand public. Et aujourd'hui, je te les pardonne. فَهَذَا يُسَمَّى الْعَرْضِ يَنَا اللَّهَ عَزَ وَجَلْ يُحَاسِبُهُ Il le juge, lakin il lui montre yani, les œuvres qu'il a fait. Ensuite, il le pardonne. فَهَذَا يَنِي حِسَابٌ بِلَا هَذَبْ فَهَوَلَا يَدْخُلَ الْجَنَّةِ دُخُلًا أَوَلِيًا. Il rentre au Jannah directement, sans être châtié. Et كذا لك القسم الثالث, plutôt j'ai dit deux, il y a trois entrées au Jannah. La troisième, c'est ceux qui vont rentrer بِحِسَابٍ وَهَذَبْ. Ils vont être jugés et kazalika, ils vont être châtiés. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث وفي مسلم في مذكور فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما من نوقش الحساب عذب. Celui dont le jugement sera débattu, c'est-à-dire qu'il ne sera pas pardonné, تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عذب. Celui-là, il va être châtié. لكن ده châtiment qui n'est pas éternel. Un châtiment qui n'est pas éternel. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن الجنة لا يدخلها إلا نفس مؤمنة. فالمؤمن سيدخل الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال شفاعتي لأهل الكبائر يوم القيامة. Je vais intercéder pour ceux qui ont fait des grands péchés يوم القيامة. Parmi les intercessions, parmi les shafa'a, ceux qui sont rentrés en enfer par rapport à ces péchés-là, dont Allah عز وجل a jugé qu'il ne devait pas les pardonner et qu'il devait les châtier afin de les purifier. La hikma fi dhalika, c'est qu'ils soient purifiés. Parce que le Jannah, c'est Dar al-Tayyibun. C'est la demeure des bons. Et c'est impossible qu'une personne rentre avec khubs, avec une impureté. Et eux, ils ont des impuretés. Allah Azza wa Jalla ne les a pas pardonnés. Ils ne peuvent pas rentrer au Jannah avec cette impureté-là, qui est le péché. En contrepartie de cela, il va les châtier, justement par rapport au péché qu'ils auront fait. Et ensuite, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala, yani bi hikmatihi, verra que ce châtiment-là suffira pour qu'ils rentrent au Jannah, comme a fait Hadith al-Shafa'a, il va les faire sortir du Jannah, de l'enfer, pour les faire rentrer. Pour les faire entrer au Jannah. Qala subhanahu wa ta'ala, tibetum fadakhuluha khalidin. Maintenant vous êtes purifiés, vous pouvez rentrer éternellement. Tibetum fadakhuluha khalidin. Fadalika hawla yuwaqafuna fi an-nar, lakin la yu'adhabuna ka'adhab al-kuffar. Fa'adhab al-kuffar fi an-nar la yamutuna fiha wa la yahyun kama qala subhanahu wa ta'ala. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam la yamutu fiha wa la yahya. Ni il vit, ni il meurt. Ni il vit, c'est-à-dire il profite de sa vie parce qu'il est en train de se faire châtier, et ni il meurt, yani yastarih, il se repose du châtiment. Fa haula alladhina yadkhuluna an-nar yani min al-muslimin fa haula in dakhalu Allah subhanahu wa ta'ala yumituhum imatatan. Allah subhanahu wa ta'ala il va les faire mourir en enfer. Lakin il va les châtier en enfer. Il va les faire châtier en enfer, mais lakin ils ne vivront pas, yani ils seront pas en vie, ils seront morts. Comme déjà fi hadith fi ma'thur ibn Mas'ud ibn Mu'adh ibn Jabal fi Muslim رحمه الله تعالى فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أهل النار الذين هم أهلها يعني ceux qui sont les véritables يعني gens de l'enfer فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ni ils vivent ni ils meurent. قال وأما من أصابهم يعني بذنوبهم, ceux qui vont rentrer en enfer par rapport à leur péché, فقال فإن الله سبحانه وتعالى يميتهم إماتة, فالله سبحانه وتعالى va les faire mourir dans l'enfer. Amma les kuffar, ils sont là, la yahyun wa la yamutun. Ni il vit, ni il meurt. Amma les musulmans, il y a trop loin. Ceux qui, Allah Azza wa Jalla a jugé qu'il faut qu'ils rentrent en enfer pour être purifiés, c'est yamutun afidalika. Lakin, ça suffit comme humiliation qu'il est rentré dans le feu de l'enfer, même si jamais il n'a pas subi le même châtiment que le kuffar. Ça suffit comme khizya, comme a dit subhanahu wa ta'ala, Rabbana innaka man tudkhil an-nar faqad akhzaytahu. Celui que tu as fait rentrer en enfer, tu l'as certes humilié. Mais ça suffit, ça, yani, comme humiliation, même si jamais yani, il n'est pas châtié du même châtiment de ceux de l'enfer. Ça suffit comme humiliation. Après, il sortira de l'enfer et il rentrera yani, au paradis lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aura décidé. Al-insan kathal kafid dunya. Un cheikh, si jamais on le fait rentrer dans une boîte de nuit, pour lui c'est une humiliation. Tu vois, même si jamais il ne fait pas ce que font les gens à l'intérieur, c'est une humiliation. كذلك قصة يعني ابن جريج lorsque sa mère l'appelait, il était en prière, il a pas répondu. Le lendemain elle est revenue, elle a appelé en prière, elle a appelé, il était en prière, il a pas répondu. Troisième jour elle est revenue, elle a appelé, il y a Jureyj, il a pas répondu. Ensuite elle a fait une dua, elle a dit Allah ne le fait pas mourir jusqu'à ce qu'il voit le visage des prostituées. Et ça suffit comme châtiment, il y en a comme humiliation, parce que c'est quelqu'un qui était yani zahid, qui adorait Allah Azza wa Jal, qui ne se mélangeait pas avec n'importe qui. Mais là, il a fait une erreur, il n'a pas répondu à l'appel de sa mère alors qu'il était en prière surérogatoire. Et répondre à l'appel des parents, c'est une chose qui est obligatoire. Donc il a fait précéder le mustahab à la loi, il a fait une dua sur lui. Et il est arrivé ce qu'il est arrivé, fitna, et ensuite il est passé devant les prostituées. Les ulama ont dit ça suffit comme châtiment. Allah Azza wa Jal, il a châtié, il y a un effet de dunya, par rapport à cette martia là qu'il n'avait pas répondu à sa mère, le fait qu'il est passé devant quoi, ces prostituées là. Donc yani, tout ça c'est des châtiments. Tout ça c'est des châtiments. Le fait de rentrer en enfer, même si jamais il n'est pas mu'adhab ka'adhab al-ahlinnar, le fait qu'il est rentré en enfer, c'est une humiliation. Lakin alhamdulillah ba'da zalika, lorsqu'il rentrera au jannah comme dit le hadith, on va le tremper dans le jannah, une soubratan, un tout petit peu, et on va lui dire est-ce que tu as connu un mal auparavant? Est-ce que tu as vu une dureté auparavant? On va dire non, j'ai jamais vu un mal auparavant ni goûté une dureté auparavant. Et c'était là, c'est la personne qui est le dernier, qui est plutôt le plus pauvre parmi les musulmans, yani fi al-dunya. Donc il va oublier tout cela une fois qu'il sera rentré, inshallah, wa tabaraka wa ta'ala, au paradis. Fa hadha huwa dukhul al-jannah par rapport aux musulmans, thalatha. Il y a trois rentrées. Dukhulun bila hisabin wala hadab. Wa dukhulun bi hisabin. ولا عذاب ودخول بحساب وعذاب نعم كما قال سبحانه وتعالى ثم ورثنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالله سبحانه وتعالى dans ce verset là il a évoqué trois catégories parmi les musulmans: ceux qui se font du mal à eux-mêmes, et ça c'est ceux qui vont être châtiés بحساب وعذاب. وقال والمقتصد, celui qui s'est suffi de faire les obligations et qui a certainement fait certaines des erreurs, des petits péchés, il a khairi فهذا بحساب لكن بدون عذاب والسابقون بالخيرات, c'est ceux qui rentrent dans le jannah بدون حساب ولا عذاب. نعم. قال رحمه الله قال ودليل اليقين قال قوله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون قال فاشترط في صدق إيمانهم بالله عز وجل ورسوله كونهم لم يرتابوا أي لم يشكوا فأما المرتاب فهو من المنافقين. Il nous dit à Huna, la preuve qui nous montre que al-yaqin, la certitude, c'est une condition de la ilaha Allah, la parole d'Allah azza wa jalla, qawlu subhanahu wa ta'ala, innamal mu'minuna alladhina amanu, et les véritables croyants sont ceux qui ont cru en Allah subhanahu wa ta'ala wa rasulih. Et ça c'est shahid, parce que l'imanu billahi azza wa jalla, ça comporte quelque chose qui m'a qala al-sheikh al-Uthaymin rahimahullah, al-imanu billahi, ay al-imanu bi-wujudi, la foi en Allah azza wa jalla qu'il est présent, qu'il est mawjoud, qu'il existe. والإيمان بربوبيته إلى فوا ولا سيغري الله سبحانه وتعالى كسل خالق الرازق إلى آخره قال والإيمان بأسمائه وصفاته la conviction qu'Allah عز وجل les noms les plus parfaits et les صفات كذلك les plus parfaites والإيمان بألوهيته la conviction qu'Allah عز وجل mérite en toute exclusivité l'adoration هذا هو الإيمان بالله تم يشتمل على أربعة أشياء فإذا يدخل فيه التوحيد إنما المؤمنون الذين آمنوا أي شهدوا بلا إله إلا الله لا إيمان بدون لا إله الله. C'est ça qui veut nous dire par là que les véritables croyants et ceux qui ont attesté de l'adoration d'Allah Azza wa Jal en toute exclusivité et de prophète sallam dans al-mutaba'a قال ثم لم يرتابوا آمنوا, ils ont cru en Allah Azza wa Jal et au prophète, ils ont attesté en Allah Azza wa Jal et au prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ils n'ont pas eu de doute. Lam yartabu, et ils n'ont pas eu de doute. Donc ça nous montre que al-iman billahi azza wa jal wa rasulihi sallallahu alayhi wa sallam yushtaratu fi, il est conditionné de ne pas avoir de doute dans ces convictions là. Qala wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Et kadhalika min sidq imanihim, parmi les choses qui montrent que leur iman il a été sincère, ce qui est des œuvres. Wa jahadu, ils ont combattu bi amwalihim, avec leur bien, wa anfusihim, et avec leurs âmes. Fi sabilillah, dans le sentier d'Allah azza wa jalla, ulaika hum as-sadiqun, eux sont les véritables véridiques. Qala hauna, donc Allah azza wa jalla ishtarata, il a conditionné fi sidq imanihim, dans la véracité de leur foi en Allah et son prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas de doute. Kaunuhum lam yartabu ay lam yashukku. Thumma qala fa amma al-murtab, quant à celui qui a un doute, فهو من المنافقين. يعني ça nous montre que يعني ces personnes-là qui ont des doutes, ils ont du nifaq. نعم, ils ont du nifaq. فاليقين لابد منها. من شهد أن لا إله إلا الله, comme on a pu voir, on peut pas dire que j'ai la forte présomption qu'Allah عز وجل existe, ou qu'Allah est le plus beau nom, ou qu'Allah mérite d'être adoré, ou que le prophète mérite d'être suivi. Et lorsque tu dis j'ai une présomption, je crois que, c'est-à-dire que t'es pas sûr. Donc ça c'est pas profitable. فمن قال لا إله إلا الله وهو متشكك فيها, il a un doute, cette attestation là elle ne lui est pas profitable. Donc لابد دمش من اليقين وهذا هو الدليل في ذلك. ثم قال ومن السنة الحديث الثابت, وهذا الحديث كذلك في مسلم, في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. قال وفي رواية لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه من حديث طويل قال من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها من قلبه فبشره بالجنة. نعم. ف dans la sunna authentique, les hadiths qui nous prouvent que al-yaqin, al-mushtarata, est conditionné dans la kalimat la ilallah. Le premier hadith qu'il a évoqué, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a attesté qu'Allah subhanahu wa ta'ala mérite d'être adoré et que c'est lui le prophète. Thumma qala wa la yalqa Allahu bihima. Et toute personne qui rencontrera Allah subhanahu wa ta'ala en ayant attesté de ces deux attestations, sans avoir de doute, il va rentrer au paradis. Il rentrera certainement au paradis. Donc, Aruna, قال النبي صلى الله عليه وسلم que الشهادة أن لا إله الله وكذلك محمد رسول الله, ces deux doivent être quoi? Avec la certitude. غير الشك, comme on a pu voir, le contraire à l'opposé du شك, c'est la certitude. Donc, il faut qu'il soit certain lorsqu'il atteste. هذا دليل وإلا دخل الجنة. C'est pareil, il y en a tout ce qu'on a pu évoquer dans le hadith qui est précédent, on évoque ici. Hein. C'est-à-dire qu'il y a trois catégories qui rentrent au Jannah. قَالَ فِي رِوَيَةٍ قَالَ لَا يَلْقَ اللَّهُ بِهِمَا, la même chose. غَيْرَ لَا يَلْقَ اللَّهُ بِهِمَا عَبْدٌ غَيْرَ شَاكِنْ فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ. Yani celui qui attestera de ces deux attestations-là, avec certitude, غَيْرَ شَاكِنْ, sans avoir de doute, Allah ne mettra pas entre lui et le Jannah un rempart. فَيُحْجَبُ عَنِ الْجَنَّةِ مُؤَبَّدًا. Celui qui va rencontrer Allah Azzawajal, en ayant attesté sans aucun doute, on ne pourra mettre un voile éternel entre lui et le Jannah. C'est-à-dire qu'il rentrera au Jannah, quoi qu'il en soit, parce qu'il est mu'min. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, dhalika li anna al-jannata la yadkhuluha illa nafsun mu'mina. Fal-muslim la budda annahu yadkhul yawman min hayatihi al-jannah. Celui qui est mort sur cela, avec les conditions qui en suivent. Naham. Fa al-hadith kadhalika alladhi ba'da nafsu shay anna أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هريرة رضي الله عنه dans une histoire qui était longue lorsqu'il était avec lui dans un jardin في حائط ثم تكلم معه ثم قال يعني امشي وراء هذا الحائط يعني va au-delà de ce jardin là قال من لقيت من وراء هذا الحائط يعني de ce jardin là celui que tu vas rencontrer à l'extérieur de ce jardin là يشهد أن لا إله إلا الله et qui atteste qu'Allah Azza wa Jal mérite d'être adoré, mustaqinan biha min qalbihi, avec une certitude, min qalbihi, fabashiruhu bil jannah. Annonce-lui qui rentrera au jannah, fabashiruhu bil jannah. Fa kharaja Abu Hurayra radi Allahu anhu wa laqiya man Umar ibn al-Khattab. Wa laqiya Umar ibn al-Khattab fa qala, lorsqu'il a vu, il s'est dit bon lui, le hadith yani le concerne. Donc il a dit je vais te ubashiruka bil jannah, je t'annonce inchallah la bonne nouvelle que tu vas rentrer au Jannah. Fadarabahu Umar. Il s'est dit, comment c'est possible, tu connais l'invisible. Famasakahu wa qala la ta'tiyanni, tu vas venir avec moi, avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tu vas me répéter ce que tu vas me dire. Tu vois. Donc il a prié, ils sont retournés vers le prophète alayhi wa sallam, fa akhbarahu bi hadha al-hadith wa basharahu bil Jannah. Naam. Wa basharahu bil Jannah. Al-shahid, c'est que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a conditionné de kalimat at-tawhid la certitude. Naham. Fala budda minha. Qala rahimahullah, qala wa dalil al-ikhlas. Comme on a pu voir, c'est sidq al-qasd al-ma'bud wahdahu bit-ta'abbud, yani de l'adorer uniquement. Qala wa qawluhu ta'ala ala lillahi ad-din al-khalis. Parmi les adillah qui montrent cela min kitabillahi azza wa jal, qul subhanahu wa ta'ala ala lillahi ad-din al-khalis. N'est-ce pas que la religion de sincérité appartient à Allah subhanahu wa ta'ala et en toute exclusivité. En toute exclusivité. Parce que dans le Coran, tu peux dire مثلاً ala ad-din al-khalis lillah. Yani tu commences par le mubtada, ensuite tu ramènes le khabar. Yani c'est comme ça qu'on construit une jumla qui est ismiya. Ala hada, comme il s'appelle yani ala tu istiftah, c'est pour ouvrir une jumla. Tamam. Et al-mubtada c'est ad-din al-khalis. Tamam. Ad-din c'est le mubtada, al-khalis c'est an-na't. Lillah c'est une jumla qui est le khabar. Fi ghayr al-Qur'an, tu peux dire ad-din al-khalis lillah, ça c'est comme ça qu'on doit, yani de règle générale on commence par le mubtada ensuite par le khabar. Lakin tu peux faire précéder al-khabar et mettre le mubtada après. Lakin lorsque tu fais ça, tu vas ramener kadhalika une notion d'exclusivité. Le fait de mettre le mubtada le khabar en premier et de retarder le mubtada, ça rapporte aussi une notion de quoi? D'exclusivité. Donc là c'est dit que ala lillahi din al-khalis, n'est-ce pas que la religion de sincérité appartient en toute exclusivité à Allah Azza wa Jal. Ama si jamais ça aurait été dit ala ad-din al-khalis lillah, ça aurait été dit yani n'est-ce pas que la religion de pureté appartient à Allah. Comme قال العلماء appartient à Allah, mais elle peut appartenir à quelqu'un d'autre comme ils ont dit avec iyyaka na'budu. Il a dit Allah Azza wa Jal iyyaka na'budu, c'est toi qu'on adore exclusivement. Ama si jamais tu dis na'buduka, parce qu'il y a qu'un arbudo, là c'est le maf'ul bihi qui est avant le fi'al wa fa'il. Mais si jamais on met fi'al wa fa'il wa maf'ul bihi et na'abuduka, fait là ça veut dire yani nous t'adorons. Yani nous t'adorons et on peut adorer autre. Yani il n'y a pas d'exclusivité. Amma iya kan arbudo, là c'est la notion d'exclusivité. Et on adore que toi. فَهَهُنَا كَذَلِكَ أَلَا لِلَّهِ دِينَ الْخَالِسِ Et la religion de la pureté n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. نعم. فَهَهُنَا الدِّينَ الْخَالِسِ تَمْ أَلَا لِلَّهِ الْمَعْبُودِ أَلَا لِلَّهِ الْمَعْبُودَ الَّذِي يَشْهَدُ النَّاسِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ فَلَهُ الدِّينَ الْخَالِسِ Il a la religion de quoi? De sincérité, de pureté. Celle qui est vouée à lui exclusivement. فَدَلَّ عَلَيْهِ أَنَّ الَّذِي هُوَ الْمَعْبُودِ الَّذِي Celui qui a adoré et qui a demandé وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّهُ Et celui qui a demandé à Al-Khalq, à l'univers, de l'adorer, c'est-à-dire d'attester de la ilaha illallah et de mettre en application là, il a demandé كَذَلَكَ que ce soit fait avec sincérité, يعني بإخلاص, avec sincérité, بالإخلاص. فَدَلَّ عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ التَّوْحِيدِ لَا بُدَّ مِنَ الْإِخْلَاصِ قال وقوله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء Et on leur a demandé d'adorer Allah Azza wa Jal en toute exclusivité, yani sincèrement en toute exclusivité, حنفاء والحنيس c'est celui qui est مقبل على التوحيد ومعرض عن الشرك وكما قال بعدهم المقبل على الله عز وجل المعرض عن ما سواه C'est celui qui s'adonne à Allah Azza wa Jal, qui a voué sa vie à Allah Azza wa Jal et qui s'écarte de tout ce qui est en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. هذا هو الحنيف هذا هو الحنيف وحنفاء c'est le jama, c'est le pluriel de حنيف فهذا كذلك هذه الآية أوضح elle est beaucoup plus claire par rapport à يعني الشاهد يعني ce qui nous prouve que l'ikhlas ça fait partie des conditions parce qu'Allah عز وجل il a dit هنا وما أمروا et on leur a ordonné d'adorer qu'Allah عز وجل exclusivement يعني avec l'ikhlas فدل على أن العبادة لابد من إخلاص Al-ibada, lillahi azza wa jal, il faut qu'il y ait un ikhlas, comme on a pu voir dans ce précédent. Sinon, c'est plus une ibada qui est lillah, c'est une ibada qui est shirkiya. Ma a'budu ma ta'budun, fa ya'budun lakin ghayra Allah. Amma al-ibada bi ikhlas, fa hiya tawhid. Fa hiya kalimatu la ilaha illallah. Fa dallat 'alash. Fa hadha al-ayat dalla 'ala anna al-ikhlas min shurut la ilaha illallah. Qala wa min as-sunnati al-hadith as-sahih, al-hadith ath-thabit fi as-sahih. متفق عليه فيما أذكر نعم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو من نفسه دوس حديث متفق عليه عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم évoque يعني أسعد الناس بالشفاعة le plus heureux أسعد الناس ceux qui vont le plus profiter تمام de la shafa'a du prophète sallallahu alayhi wa sallam yawm al-qiyama c'est ceux qui auront dit la ilaha illallah khalisan min qalbihi avec un cœur qui est pur avec une sincérité qui est pure ou min nafsihi c'est pareil qalbihi ou nafsihi c'est la même chose donc là ça nous montre bien que la ilaha illallah doit être prononcé bil ikhlas et doit être appliqué bil ikhlas donc ça montre bien que c'est une condition naam qala rahimahullah qala wa fi sahih عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث هذا قبل ذلك أسعد الناس بشفاعة من قال لا إله الله خالصا من قلبه يعني هذا هو جواب عن سؤال c'est une réponse que après une question qu'a posé Abu Huraira فسأله فقال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك quels sont les gens qui vont plus le profiter de ta شفاعة ensuite il a évoqué ce hadith là il a évoqué أسعد الناس بشفاعتي إلى آخره قال في صحيح عن عتبان ابن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله نعم فهذا الحديث كذلك حديث صحيح متفق عليه نعم عفوا الأول إلى في البخاري حديث أبي هريرة إلى في البخاري حديث عتبان لبخومي إلى في البخاري لدوزيام إلى متفق عليه في الجزم كما متفقون عليه فقال هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله حرم على النار الله عز وجل أنتردي لانفير لمن قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله pour celui qui aura prononcé كلمة التوحيد et en recherchant à travers cela le visage d'Allah عز وجل et en le faisant sincèrement pour Allah سبحانه وتعالى et il voue cette adoration exclusivement à Allah عز وجل ما هو الجزاء c'est qu'Allah عز وجل lui interdit l'enfer et il va lui interdire l'enfer soit éternellement et ça c'est obligé pour tout musulman ou soit yani de en première intention yani comme on a pu évoquer yani pour ceux qui seront jugés qui vont mourir yawm al-qiyama avec des zonoub avec des kaba'ir fa Allah subhanahu wa ta'ala yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Donc si jamais il ne veut pas leur pardonner, il manque une autre option qui est quoi? Al-Shafa'a. Si jamais Allah subhanahu wa ta'ala ne donne pas l'autorisation pour Shafa'a, là il n'y a plus d'autre solution, il n'y a plus d'autre option que cette personne-là doit rentrer en enfer temporairement et ensuite il rentrera inshallah tabaraka ta'ala au paradis. Alors lorsqu'il a dit Inna Allah harrama 'ala an-nar, donc ça peut être yani totalement, c'est-à-dire qu'il ne rentrera jamais en enfer, ou bien c'est celui qui va rentrer en enfer la quitte pas éternellement. Donc là il y a deux explications par rapport à harrama 'ala an-nar. Soit c'est éternellement ou bien soit c'est yani bartlofik yani aslan wa faslan. En première intention, il ne rentrera pas. قال وللنسائي في اليوم والليلة في كتاب له سماه اليوم والليلة أي عمل اليوم والليلة. C'est un kitab jayyid dans lequel il évoque yani les œuvres qu'on doit faire les jours la nuit. قال من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مخلصا بها من قلبه يصدق بها لسانه إلا فتق الله السماء فتقا حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض وحق لعبد نظر إليه الله يعطيه سؤاله. نعم. فها هنا في هذا الحديث يعني الحديث لك يبقى كده عن النسائي المعنى صحيح. Le sens يعني de ce hadith là يعني من حيث الجملة de manière générale il est صحيح. تمام. Parce qu'il y a d'autres hadiths يعني par il y en a auparavant et même les deux qui ont été évoqués auparavant ils vont dans le même sens. Lakin ce hadith là a sanad da'if, la chaîne de transmission est quoi? Est faible. Donc le hadith n'est pas authentique. La chaîne de transmission n'est pas authentique, mais le sens du hadith est authentique. Le hadith la Cheikh Al-Albani il a da'af. Même dans un autre dans certains livres il a dit il est munkar. Ce hadith là c'est une erreur. Ce hadith là c'est une erreur. Je pense qu'il y en a qui parlent par rapport à la fin. La fin montre que c'est une erreur. Lorsqu'il dit « Illa fataqa Allahu asama fataqa ». Fataqa, c'est-à-dire ouvrir. Ouvrir une chose. Il y en a ce qui est dit dans ce hadith-là, que lorsqu'Allah Azzawajal, il entend cette kalimat-là, il ouvre les cieux. Et ensuite, il regarde en direction de la personne qui a prononcé cette parole-là. Et il dit « Il est de droit que toute personne qu'Allah subhanahu wa ta'ala a regardé vers sa direction, qui lui donne sa demande. » Qui donne sa demande. La fin de ce hadith-là, il pose problème. C'est pour ça que Cheikh Al-Albani l'a dit, le munkar, c'est une erreur. La fin, ça se voit que c'est une erreur, que c'est un ajout. Al-Muhim qala ha-huna man qala la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Celui qui a prononcé la kalima tawhid wahdahu la sharika lah, ay bi ikhlas. Sans vouer un autre qu'Allah Azza wa Jal. Lahu al-mulk et ya'taqid an Allah subhanahu wa ta'ala yamliku kull shay. Qala wa lahu al-hamd et qu'il a la perfection. C'est celui qui mérite toutes les éloges. Donc c'est-à-dire que celui qui a la perfection et l'ihsan. Wa huwa ala kulli shay'in qadir mukhlisan biha min qalbihi. Donc là il y a deux shahides. Il y a deux choses qui nous prouvent que kalimat at-tawhid on doit dire avec l'ikhlas. Au début lorsqu'il a dit wahdahu la sharika lah. Ça nous suffit pour dire l'ikhlas. Et ensuite il a accentué cela en disant mukhlisan biha min qalbihi. Et avec une sincérité de cœur qala wa yasduq biha lisanuhu. Il le dit sincèrement de son cœur et que sa langue aussi kadalika l'atteste de cela yani sincèrement. Naham. Fa hadha al-hadith inshallah tabarak wa ta'ala nuraji'uhu. Naham. Il se peut que Cheikh Al-Albani l'a évoqué deux jugements. Naham. Nuraji'uhu inshallah fi dars al-ati. Tam. Qala rahimahullah ta'ala qala wa dalilu sidq. Qulhu ta'ala alif lam mim hasiba an-nas an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. هذا كذلك حديث ودليل من الكتاب يدل على أن الصدق مع الله عز وجل في كلمة التوحيد لابد من كسين وخندشون. حاولنا قال النبي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا. يكون من يقول آمنا dedans sa honte كلمة التوحيد لا إله إلا الله. Est-ce que les gens vont penser que Allah عز وجل va les laisser dire لا إله إلا الله, de dire qu'on croit en Allah Azza wa Jalla, وهم لا يفتنون, soit qu'ils soient yani pour cela éprouvés. قال ولقد فتنا الذين من قبلهم, et on a certes éprouvé ceux qui les ont précédés. فلا يعلمن الله الذين صدقوا, afin qu'Allah Azza wa Jalla fasse apparaître yani au grand public الذين صدقوا, ceux qui ont été sincères dans leur iman, sincères dans la kalima de tawhid lorsqu'ils l'ont prononcé. ولا يعلمن الكاذبين, et afin de distinguer yani celui qui est sincère de celui qui n'est pas sincère. فكلمه التوحيد elle nous montre que celui qui la prononcera bila bartlofik yani bila sidq, sans être sincère, il va se faire éprouver quoi qu'il en soit. Et ses œuvres vont attester de lui-même qu'il n'a pas dit cette kalimat-là, bisidq. Parce que lorsque vont venir les fitan, les épreuves, il ne va pas avoir de fermeté. Il ne va pas avoir de fermeté. Parce que la fermeté, ça ne vient pas de nous-mêmes. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. C'est Allah Azza wa Jalla qui donne le tasbit, qui donne la fermeté. Donc celui qui n'a pas de la clé qui va lui permettre d'être sincère et d'avoir la fermeté dans le din, il ne pourra pas résister par rapport aux épreuves. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, mahma kan, celui qui veut tricher et faire croire qu'il a dit la ilaha illallah, yani lakin bidouni silk, de toute façon, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des alama, des preuves, des signes qui montrent que la personne ne l'a pas dit. Ne l'a pas dit sincèrement. Il sera éprouvé. Lakin, celui qui l'aura dit avec sincérité, Allah Azza wa Jalla, il va lui donner de la fermeté. Il va s'en sortir, Inch'Allah. Et celui qui a menti, il verra, on le verra bien au grand public, la yathbut. قال وقوله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Il y a des gens qui prétendent la foi en Allah Azza wa Jalla et au jour du jugement dernier, وما هم بمؤمنين. Ils ne sont pas véritables croyants. Ce n'est pas des croyants. يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَهُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْحُرُونَ. Ils trompent Allah, Azza wa Jal, et ceux qu'ils ont cru. Et en vérité, ils ne font que tromper leur propre personne. Et ils ne se rendent pas compte de cela. فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ. Dans leur cœur, il y a une maladie. وَقَالَ الْعُلَمَاءَ الْمَرَضَهَا هُنَا هُوَشِ الْكَذِبْ. تمام. وَهُوَ النِّفَاق. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Et Allah, Azza wa Jal, leur a augmenté en maladie qui est النِّفَاق. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ. Ils ont un châtiment qui est avélissant par rapport à leur mensonge. فَهَهُنَا Allah subhanahu wa ta'ala بَيَّنَا تمام les alamat de ceux qui mentent, que ceux qui ne sont pas sincères dans l'iman. قَالَ وَمِنَ النَّاسِ الْمُرَدْ هَهُنَا الْمُنَافِقُونَ. Ça c'est dans surat al-Baqara. Dans surat al-Baqara, il a commencé par les sifat des mu'mines. Ensuite, il a évoqué deux versets dans sifat al-Kuffar. Ensuite, le reste, ومن الناس, ça c'est le munafiqun. ومن الناس, من يقول آمنا, ça c'est quoi? المنافقون, ça c'est في المدينة. Il n'y avait pas de nifaq, il y en a في Mecca. في Mecca, lorsque Kufar Quraysh, ils avaient la force, ils n'avaient pas besoin de cacher leur mécréance. Parce qu'ils étaient en position de force. Donc ils montraient au grand public leur mécréance. كما قال العلماء. في Mecca, il n'y avait pas de nifaq. لكن النفاق, on l'a trouvé où? المدينة. La siyama fil yahoud. Al yahoud fil madina, ils avaient trois tribus. Bani Qunayqa, Bani Nadir, wa Bani Qurayza. Ces trois tribus-là, parmi les juifs, min ahl al-kitab, lorsque Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, que Allah azza wa jalla leur a donné la victoire à Badr, c'est là que al-nifaq il a apparu. Pourquoi? Parce que là, l'islam il est devenu, kana qawiyan. Les musulmans ils avaient la force. Donc là, les munafiqs, ils avaient deux choix. Soit ils rentraient dans le dîn sincèrement, ou soit ils se cachaient en tant que musulmans, afin d'être épargnés dans la vie d'ici-bas. Parce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui a été ordonné après de cela de tuer toute personne qui ne dira pas la ilaha illallah. Donc ils ont dit, c'est le seul moyen de vivre. Il y a un en peur, fait de c'est de mentir, de ne pas être sincère dans notre religion. Allah subhanahu wa ta'ala, bayyanahum. Il a exposé, qu'ali khadi'un Allah. Ils pensent qu'il y a un tromper Allah subhanahu wa ta'ala fi dunya. Ils pensent qu'ils vont échapper du châtiment d'Allah Azza wa Jal, yawm al-qiyama. Ou ils khadirun al-lazina amanu. Kazalika, ils les trompent parce qu'ils pensent que c'est des mu'mines alors que ce n'est pas des mu'mines. Et il dit, en vérité, ils ne font que tromper leur propre personne. Pourquoi? Parce que toute personne viendra à mourir. Il aura à rendre des comptes. Et yawm al-qiyama, kama qala subhanahu wa ta'ala, yawm tubala as-sara'ir. Le jour où le cachet sera exposé. Et ce qu'il y avait dans les poitrines seront exposés. Et là, il ne pourra pas mentir. Tam. كما قال سبحانه وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم وبصاركم وجلودكم. فيوم القيامة les membres ils vont parler. Les membres ils vont parler à la place de ces personnes-là. نعم. فالله عز وجل سيفدحونهم. قال في قلوبهم مرض وهو النفاق وهو الكذب. فزادهم الله مرضا. الله عز وجل il leur augmente en maladie. كما الله سبحانه وتعالى il augmente en foi ceux qui ont la foi. ويزيد الله الذين اهتدوا هدى. Kazalik à celui qui ment et celui qui est sur le kufr, Allah Azza wa Jalla, il lui rajoute jour en jour du kufr, jusqu'à ce qu'il le rencontre. قال ومن السنة ما ثبت في الصحيحين عن معاذ ابن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صادقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. كذلك ها هنا. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a montré une condition qui est as-sidq ma'allahi azza wa jalla wa rasoulih. que celui qui atteste des deux attestations, il doit le dire avec sincérité, min qalbihi. Et celui qui fait cela, Allah subhanahu wa ta'ala va lui interdire l'entrée en enfer. Et c'est pareil, soit éternellement ou soit en première intention. Donc celui qui ne fait pas cela, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui interdire l'entrée en enfer. Donc il va rentrer en enfer. Donc il rentrera en enfer. Et ça c'est éternellement parce que c'est une condition. Naham. Tamam, Inch'Allah. On se contente de cela.